Natamboli, natamboli, na beti libaku Mote marangai pe mo beti kamwa Yalelo na mituni soki lisuma Pasuko langai na mayanzambe Kalmani, kalmani Kalmani, faraha Kalmani, kalmani Kalmani, faraha Nangai amour, nazala pembeni na yo chéri. Poto bokolo bana to bokolo, yalelo baluki e komi déception. Kalmani, kalmani, kalmani faraha. Kalmani, kalmani, kalmani faraha. Tovani, tovani mule pele. Basanza na bamposo eleki Liseki ya basenginya toyoka oyebi Na bokasi ya nzambe tolunga tokolisi Kalmani, kalmani Kalmani, faraha Kalmani, kalmani Kalmani, faraha Kalmani, eh Kalmani, eh Kalmani, eh Kalmani, eh Mama, nani a limbisa ye? Mama, nani a bondela ye? Mama, nani a limbisa ye? Oh calma, oh calma, tu m'as laissé oh, tu m'as laissé oh. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté oh, dis-moi pourquoi tu m'as quitté oh, tu m'as quitté oh, tu m'as quitté. Quitté, oh, tu m'as quitté, mama, zonga nandako, bana, bana balelie, mama, zonga nandako, bana, bana balelie, tu m'as quitté, oh, tu m'as quitté, tu m'as quitté, oh, tu m'as quitté, mama, bana balelie, mama. Oh calma, oh calma, tu m'as laissé oh, tu m'as laissé oh. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté oh, dis-moi pourquoi tu m'as quitté oh. J'avais une femme qu'on appelait Karma. Quand j'étais à Coco, aïe aïe aïe, c'est vraiment dire. Quand j'ai fait mon voyage à Paris, au retour de mon pays, hein, on m'apprend que Karma est parti. Et elle n'a plus besoin de moi. J'ai demandé à mon ami qu'on appelait Antoine Banzoumouna. Mon ami me dit à mon cher, l'histoire des femmes tu ne connais pas. Depuis qu'elle est partie, ça me fait vraiment beaucoup pitié. Celle qui va la rencontrer en chemin, oh, qu'elle lui dise que je l'aime encore et qu'elle revienne. C'est vraiment malheureux. Calma, reviens mon amour. Reviens mon amour. Calma, oh. Oh calma, oh calma. Tu m'as déçu, oh. Tu m'as déçu, oh. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté, oh. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté, oh. Tu m'as quitté, oh. Tu m'as quitté, tu m'as quitté, oh, oh, tu m'as quitté. Mama, bana balelie. Mama, zonga nandako. Mama, bana balelie. Mama, zonga nandako. Tu m'as quitté, oh, oh, tu m'as quitté. Tu m'as laissé, oh, oh, tu m'as laissé. Mama, zonga nandako. Mama, bana balelie. Mama, zonga nandako. Oh calma, oh calma. Tu m'as déçu, oh, tu m'as déçu, oh. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté, oh.